automobile. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y, arrête de le faire, ta crise. Allez, dégage. C'est les LAP et que ta vieille. J'ai les couleurs. Ouais, mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y, arrête de le faire, ta crise. Allez, dégage. C'est les LAP et que ta vieille. J'espère que tu réentends le texte et dis pas que c'est bof. Marre de faire du rap, trop peu pige nos strophes. J'ai trop mené de combat depuis que je suis dans la musique. L'industrie n'a pas de goût artistique. Marre d'étaler notre vie dans chaque disque. Marre de pas savoir faire autre chose, me skin. Je m'en fous du flow, des jeux de mots de performer. Et juste le fait de le dire me contredit, je le sais. Je veux bien vendre des disques, mais pas être une star. Pour combien? Moi, est-ce que je suis prêt à vendre mon âme? Je suis trop ghetto, j'ai trop de frustration dans le cœur. Désabusé par mes craintes, mes peurs, je suis tout, mes frères. Le showbiz est tellement loin de nous. Et nos conditions de vie si près de vous. Purée, j'ai beau rapper, mais qu'est-ce que ça change? Avant de rapper, j'avais plus de gens. J'ai des couleurs. Ouais, mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y, arrête de le faire, ta crise. Allez, dégage. C'est les LAP et que ta vieille. J'ai des couleurs. Ouais, mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y, arrête de le faire, ta crise. Allez, dégage. C'est les LAP et que ta vieille. Rien change pour moi depuis le temps que tu me négo. Je donne toujours à la rue plein de béco. Marre des millions d'Azik d'avoir zéro. Marre de la promo pour certains gens radio. Marre de faire des clips à gros budget. Jamais les voir passer à la télé. Marre de se péter la tête pour le show business. Parce que c'est qu'une histoire de francs et de fesses. À chaque album, c'est notre vie qu'on joue. C'est presque alimentaire pour nous. Depuis plus de 10 ans, le rap était ma cause comme femme. La rage, quelle déception quand c'est devenu un taf. Marre, quand on parle de respect, qui comprend? À base d'avocats, de contrats seulement. Toi qui rêves de connaître notre milieu, écoute-moi bien. Tu vas y laisser des plumes si t'es pas un mec bien. J'ai des couleurs. Ouais, mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y, arrête de le faire, ta crise. Allez, dégage. C'est les LAP et que ta vieille. J'ai des couleurs. Ouais, mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y, arrête de le faire, ta crise. Allez, dégage. C'est les LAP et vieux de la vieille. Je te dis franchement, le milieu de la zik ça me veine. Pour des raisons que je vais te dire, écoute. Comment ça les gens du cinéma sortent des disques? Acteurs ou actrices ils chantent tous comme des caves. Allez vas-y sortez vos disques, ils sont pourris. Y'a un autre truc qui me vénère là aussi là. On signe un mec parce que c'est le pote d'un mec. Alors qu'il y a des vrais qui galèrent à mort et tout. De toute façon y'a pas de justice dans la musique. Écoute j'ai pas fini là, je suis de colère à fond. Y'a des meufs elles couchent avec un mec bien précis. Le lendemain à la télé y'a un single qui tourne. De toute façon certaines ont les cuisses légères dans ce milieu. Après diront ouais j'ai trimé j'ai sué. En vrai c'est à l'hôtel qu'elles ont sué ta vue. C'est pour ça qu'ils me vénèrent ces gens là. J'ai des couleurs. Ouais mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y arrête de me faire ta crise. Allez dégage. C'est les LAP les vieux de la vieille. J'ai des couleurs. Ouais mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Embrasser le système qui nous oppresse. Et qu'est-ce qui me saoule? Vas-y arrête de me faire ta crise. Allez dégage. C'est les LAP les vieux de la vieille. J'ai des couleurs. Ouais mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Colère gars pour être une star. Mais qu'est-ce qui me saoule? Vas-y arrête de me faire ta crise. Allez dégage. Tu te la pètes maintenant que t'as le champ art. J'ai les couleurs. Ouais mais c'est ça le showbiz. J'ai la rage. Colère gars pour être une star. Mais qu'est-ce qui me saoule? Vas-y arrête de me faire ta crise. Allez dégage. Tu te la pètes maintenant que t'as le champ art.